à vie, c'est un cri à vie. J'oublie les malheurs, les tracas de ce monde pourri qui me fout la gerbe, le mépris. Mon cœur meurtri, mon cerveau débris. À coup de connaissance appauvrie, mais où est le sens de la vie? Mes sens en lambris, ma clairvoyance assombrie, mes références amaigries. Est-ce que je deviens aigri ou est-ce que mon soleil est gris? Comment pourrais-je être positif dans tous mes écrits? Intuitif pour réfléchir, est-ce ma façon de survivre sans objectif bien défini? J'essaie que ma route se poursuive, je ne cherche pas les chemins qui mènent à la gloire. Je ne force pas le destin, en rien je veux écrire l'histoire. Et quoi qu'il advienne, que mes écrits parviennent à une ou une centaine de personnes, pour moi c'est la même. Et que la salle soit pleine ou qu'il n'y ait qu'un pélo, je monterai sur scène, faire ce que j'aime, même mort pilot. C'est le cri du peuple, le cri du cœur, c'est un cri à vie. Le hip-hop reste en moi inscrit à vie. Même si jamais je n'en criavais, même si jamais la foule ne criavait. C'est le cri du peuple, le cri du cœur, c'est un cri à vie. Le hip-hop reste en moi inscrit à vie. Même si jamais je n'en criavais, même si jamais la foule ne criavait. Hip-hop, mon cri d'espoir, mes faiblesses, mes noblesses. Enlever sentiment de bagnard d'un système qui oppresse. Travailler, finir à l'abattoir, un homme qu'on engraisse sans pouvoir trouver d'exutoire. Ou la pauvreté de l'ivresse. Aïe. Le rap me fait tenir debout dans les moments difficiles, à terre ou bien à bout de nerfs. Sans déguisement, sans abuser des haltères, je suis resté le même, peut-être un peu moins contestataire. Car en étant honnête, des fois je pense alimentaire, trouver la bonne recette. Sans pour cela être millionnaire, sans pour ça manger de la honte, sans pour ça me corrompre, rester authentique. Que jamais je ne rompe avec mes valeurs, que je ne rampe devant des producteurs, ou que me hante la peur de ne plus plaire à l'auditeur. Cloîtré dans un schéma au concept trop défini, mon hip-hop reste inscrit à vie, est un cri à vie. C'est le cri du peuple, le cri du cœur, c'est un cri à vie. Le hip-hop reste en moi inscrit à vie. Même si jamais je n'en criavais, même si jamais la foule ne criavait. C'est le cri du peuple, le cri du cœur, c'est un cri à vie. Le hip-hop reste en moi inscrit à vie. Même si jamais je n'en criavais, même si jamais la foule ne criavait. Pas corrompu, trop de colons parvenus à piller, exploiter, ont entrevu une richesse, l'ont fracassé sans cesse, sans penser à écouter les aînés, leur sagesse, leur volonté trop cravachée, pendant que d'autres ne pensaient qu'à la faire cracher. Mais n'ont fait que l'attacher, n'ont fait qu'à l'attacher à des concepts bidons, business, bifton, kiss des nénettes, michetons. Wow. Comment exister sans tricher, esquisser sans cliché, esquiver les fichiers, expérimenter sans être fiché. Comment encaisser sans faiblir, sans foncer, sans périr. Comment s'inscrire dans la durée, sans se lisser, sans fléchir. Comment garder sa réflexion, son identité propre. Comment viser ses illusions, sans salir son amour propre. Comment, putain, moi je m'en balle. Mais si tu aimes, gamin, moi je m'en balle. C'est le cri du peuple, le cri du cœur, c'est un cri à vie. Le hip-hop reste en moi inscrit à vie. Même si jamais je n'en criavais, même si jamais la foule ne criavait. C'est le cri du peuple, le cri du cœur, c'est un cri à vie. Le hip-hop reste en moi inscrit à vie. Même si jamais je n'en criavais, même si jamais la foule ne criavait. C'est le cri du peuple, le cri du cœur, c'est un cri à vie. Le hip-hop reste en moi inscrit à vie. Même si jamais je n'en criavais, même si jamais la foule ne criavait. C'est le cri du peuple, le cri du cœur, c'est un cri à vie. Le hip-hop reste en moi inscrit à vie. Même si jamais je n'en criavais, même si jamais la foule ne criavait.